recevez jusqu'à 40% de plus chez vos marchands favoris. Passez nous voir sur boutiquevoir.ca. La Barberie est heureuse de souligner à sa façon les 40 ans de CKRL. Écoutez mes bons amis, la chanson que je vais vous chanter, c'est à propos du radio, je vais tout vous raconter. En 1973, dans une université, il y a des petits jeunes qui ont pensé qu'une radio c'est une bonne idée. À cette heure, en 2013, est arrivé à maturité, c'est une belle grande radio qui fait toujours notre fierté. La Barberie est fière complice de CKRL depuis 15 ans. Bonsoir, bonsoir, bienvenue à Terra Incognita, votre émission de rock progressif du samedi soir, et puis depuis ça, depuis plusieurs années. Savez-vous, je suis en train de penser tantôt, je pensais que dans exactement un mois, quatre samedis, on va être assis au Centre d'art La Chapelle en train d'écouter RPWL à la même heure, exactement. Donc, je commence à compter les dodos, j'avoue que j'ai une petite impatience là, qui se pointe. J'ai vraiment hâte. Et il ne reste plus qu'un mois à attendre. Ben, ce soir, écoutez, on a plein de bonnes choses, évidemment. On a quelques nouveautés comme une formation italienne, Camellia's Garden, des Finlandais, Crazy World, et bien d'autres choses. Donc, installez-vous pour deux bonnes heures de rock progressif. On commence, je vous parlais de la convention, on va commencer avec du RPWL pour vous rappeler qu'il y a aussi un concert le lundi, le 20 mai, en après-midi, toujours à la même place, au Centre d'art. C'est en fait les seuls concerts qui sont encore abordables dans le sens de disponibles. Il y a encore des billets de disponibles pour ces deux de T-Club et RPWL, donc en après-midi, pour ces deux concerts. C'est malheureusement tout ce qui reste parce que le samedi et le dimanche, c'est à guichet fermé. Ce qui n'est pas une mauvaise nouvelle. Donc, on commence sans plus tarder, nous, en musique avec RPWL ou RPVL. Trying to Kiss the Sun, c'est le titre de l'album. Et c'est la pièce Waiting for a Smile. Daylight gentles down, and with the call of a nightingale, I make my way and fly into the dawn. Must have been a long, long time. Thank you.

dreams are rushing to the river, the river that has always flowed. When Maya comes and sets our hearts on fire. J'imagine que ça vous aurait filé le goût de vous pointer le lundi 20 mai. Donc, c'était RPVL. C'est le un petit aperçu du concert qu'ils vont nous présenter. Parce que le lundi 20 mai, ce qu'ils vont présenter, c'est du matériel de tous leurs disques. Et ils vont couronner le tout avec quelques clins d'œil à Pink Floyd. Et puis, le samedi, ben, ça va être l'intégrale de leur dernier disque. Donc, ça va être deux concerts complètement différents. Si vous avez vos billets pour le samedi, ben le lundi est encore une option parce que c'est un concert totalement différent. Donc, c'est ça, RPVL, c'était... Là, je dis, faut que je prenne l'habitude, c'est RPVL, comme eux le prononcent, donc Word Through My Eyes, et on avait aussi une pièce de Trying to Kiss the Sun. On poursuit, nous, on va aller du côté de l'Italie, cette fois-ci, avec un groupe, je pense que c'est son premier essai, d'après moi, oui, Camellia's Garden. Et le titre du disque, c'est You Have a Chance, c'est du bon prog, comme dans les années 70, avec une petite touche italienne, sauf que, bon, ils chantent en anglais. Il y en a qui vont me dire, ah non, dommage, mais c'est excellent quand même. Donc, Camellia's Garden, c'est You Have a Chance, leur premier disque. And attachment, wondering if I'm so done. And in sense, wondering all I have done. Life a battlefield, a breeding star within. Never's looking, reach the deepest hidden green, green. Set the bar of things meticulous that kept carve my land, let the trial start. I'm ready to forget.

ciò se compirò un'opera pregevole. Se davvero valga la pena raccontare l'insieme della storia di Roma, non lo so. Ma quando anche lo sapessi, non oserei dirlo. Comunque vada, sarà pur sempre degno di gratitudine il fatto che abbia provveduto, nei limiti delle mie possibilità, a perpetuare la memoria delle gesta compiute dal più grande popolo della terra. Non è mia intenzione né confermare né contestare i fatti della fondazione di Roma arricchiti da leggende. Sia concessa agli antichi la facoltà di rendere più auguste le origini della città. December, oh, lay me down. When the winter's cold surrounds you, you're so cold. When I think of you, my soul, feel the world. Of this ending, oh, lay me down while I sing for you of the rainbow. I have got. Know the meanings of your soul. Think again that will end time. I can see the light, and you become so true. Many days we call your name. Springtime, I laid you down. In a moment of the winter passes through. Know the lonely gaze that you left me for. So cruel, melodies are wrecking me. chose promis, chose due, mais on le fait. Donc, c'était la deuxième pièce. Je vous parlais tantôt de Camellia's Garden, nouveauté italienne, vraiment superbe. Un bon équilibre entre le folk et le progressif. Vous avez remarqué que, bon, c'est sûr qu'on ne peut pas faire autrement que penser aux années 70 et à Genesis. C'est dans le filon, et ça, ils ont frappé dans le mille. Et c'est vraiment excellent d'un bout à l'autre. Donc, Camellia's Garden, You Have a Chance. Tout juste avant, on avait The Rome Project, encore l'Italie, avec plusieurs invités d'ailleurs, dont Steve Hackett, qui est, on en parlait tantôt, là, nous, entre nous ici, là, qui est vraiment partout. Si on commence à regarder toutes les sessions qu'il a faites dans les dernières années, ça commence à être assez important. Donc, on l'entend sur The Rome Project. Et on avait commencé avec Willow Glass, formation en fait multinationale, parce que Andrew Marshall a invité le flûtiste et violoniste Steve Unruh des États-Unis, et puis le batteur vient d'Allemagne. Donc, je pense pas qu'ils se soient rencontrés en studio, mais enfin, selon ce, j'ai eu une petite conversation avec M. Marshall, il me disait que c'est la même équipe qui va revenir pour le prochain, parce qu'il a bien l'intention de revenir avec un nouveau disque d'ici peut-être 6 ou 7 mois. Et bien, c'est, on a remonté à filière. Moi, il faut que je vous laisse, là, parce que Bruno me fait des grands signes désespérés. C'est le temps des messages d'intérêt public et on vous revient après cela. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Hi, c'est KRL. Québec. Le 2 mai, le Palais Montcalm vous offre le meilleur du jazz avec Dion Reeves. Digne héritière d'Ella Fitzgerald et de Sarah Vaughan, Dion Reeves est considérée comme la plus grande chanteuse de jazz au monde en ce moment. De passage à Québec pour un soir seulement, elle vous offrira une soirée flamboyante de jazz et de R&B. Le 2 mai, vivez la musique à son meilleur avec Dion Reeves. Détails au palaismontcalm.ca. Le 11 mai, le Palais Montcalm vous offre le meilleur du folk avec les Cowboy Junkies. C'est un subtil mélange de folk et de country aux influences rock que vous propose le mythique groupe canadien lors de son passage dans la capitale. Nouvelles chansons et grands succès vous seront offerts par la voix douce et chaleureuse de Margot Timmins. Le 11 mai, vivez la musique à son meilleur avec les Cowboy Junkies. Détails au palaismontcalm.ca. Attention, parce qu'une fois sur ton dos, le nouveau T-shirt édition 40e anniversaire de chez KRL va te faire des belles courbes. Un peu comme Beyoncé. Il n'y a pas 56 000 façons de l'avoir, il est en vente ici à CKRL à 20$. Seulement 20$, pas cher. Viens chercher. 405 3e avenue, Limoilou. Je t'attends. Salut. Maintenant à la Barberie, en plus des 9 bières en fût, une bière en bouteille est servie au bar. On pige dans des cuvées spéciales, des bières rares, des bières vieillies. Mais allez-vous servir des bières ordinaires? Des bières ordinaires à la Barberie. Non. Mais des régulières, alors? Oui. Pour connaître la bouteille du jour, de la semaine ou du mois, consultez notre menu à labarberie.com ou sur notre page Facebook. Thank you. Thank you. think would be interesting if you could live forever and see all of the things that the future brings. Even though you'd see more than your fair share of death, you'd also get to see people being born. And it wouldn't really be a sad thing or even a happy thing. It would just be something that happens. This time's circling. There's a man outside, he calls himself the Witchfinder General. He can put you to sleep with his sleight of hand. Thank you.

C'est vraiment bon, mais quand on regarde la pochette, ça ne nous donne pas le goût pantoute de l'acheter. Ça a l'air d'une farce, mais c'est très bon. Donc, Crazy World, The Return of the Clown, c'est dans, un peu dans le mode Big Elf et compagnie, là. L'orgue Hammond qui ronfle, et puis la guitare, très années 70, rock. Donc, je pense que si vous aimez un peu le style, vous ne vous trompez pas avec ça. Crazy World, The Return of the Clown. Dernière demi-heure ensemble, et oui, on va aller faire un petit tour du côté de l'Allemagne, cette fois-ci avec Argos, de leur plus récent Cruel Symmetry. Et puis, ben, on va rester des nôtres, on a encore une demi-heure quand même de bonne musique. C'est Michel et Bruno jusqu'à minuit. We'll be right back. Allô? Thank you. Je me suis payé la traite, je l'avoue. C'est mon péché mignon. RPVL, RPWL, un extrait du disque Stock. C'est une de mes pièces préférées là, dans ce disque-là, The Gentle Art of Swimming. J'adore l'atmosphère de cette pièce-là. Vraiment très bon, en tout cas. Comme vous commencez à me connaître, je pense que j'adore ce groupe. Shadow Circus, On a Dark and Stormy Night. Ça, c'est vraiment une belle surprise parce que, ben, faut dire que disque après disque, il y avait toujours une espèce d'amélioration très notable. Mais celui-ci, là, c'est franchement l'aboutissement des années de travail et c'est excellent d'un bout à l'autre. On a Dark and Stormy Night. Et on avait amorcé la demi-heure avec Argos Cruel Symmetry, groupe allemand. Ils sont loin d'être dans leur première expérience dans le domaine. Moi, j'adore le groupe, mais j'ai une petite réserve des fois sur le chant je trouve qu'il est juste comme parfois un petit peu à côté de la coche. Mais bon, musicalement, c'est parfait. Donc, enfin, ça, c'est personnel. Parce que justement, je parlais avec Marc il y a quelques secondes qui est ici, là, puis. Lui, il me disait « Ah oui, tu trouves? » Je dis « Oui, moi, ça me fatigue un peu. » Mais bon, ça, c'est vraiment une question de goût personnel. Oui, Bruno, j'ai compris. C'est déjà le temps de vous dire bonne nuit. Restez des nôtres. Il y a, évidemment, dans quelques secondes, l'autoroute qui s'en vient. C'était Michel et Bruno. Je vous invite à revenir la semaine prochaine, même heure, même poste. Téléchargez Terra Incognita sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Cette soirée vous a été présentée par La Barberie. Le 11 mai, le Palais Montcalm vous offre le meilleur du folk avec les Cowboy Junkies. C'est un subtil mélange de folk et de country aux influences rock que vous propose le mythique groupe canadien lors de son passage dans la capitale. Nouvelles chansons et grands succès vous seront offerts par la voix douce et chaleureuse de Margot Timmins. Le 11 mai, vivez la musique à son meilleur avec les Cowboy Junkies. Détails au palaismontcalm.ca. Présentez votre carte de membre de CKRL et obtenez 15% de rabais chez Sebs, T et Lounge, 67 René Lévesque Est et au Dorsey, le restaurant pub européen, 65 rue de Buade. Gardez toujours votre carte de membre de CKRL sur vous. On ne sait jamais, ça peut être payant. Fais attention, parce qu'une fois sur ton dos, le nouveau T-shirt édition 40e anniversaire de CKRL va te faire des belles courbes. Un peu comme Beyoncé. Il n'y a pas 56 000 façons de l'avoir, il est en vente ici, à CKRL, à 20$. Seulement 20$, pas cher! Viens chercher! 405 3e Avenue, Limoilou. Je t'attends. Salut! Présentez votre carte de membre de CKRL et obtenez 10% de rabais au Théâtre de la Bordée, 315 rue Saint-Joseph-Est, à la librairie.